Hey yo, moi je vais vous dire quand ça marche dans mon coin. Tu vois un gars avec un dick de 12 pouces, c'est wow. Tu vois une Swift maganique, des rimes de 20 pouces, c'est wow. Pis une fille avec un G qui ressort, c'est wow. Mais une fille avec des triple D, c'est wow. Si un gars qui me dit de remonter mes pants, j'suis comme yo. Ah, on pète de son pack, comme un blow. Y'a une grosse pis j'entends qui voulait me blow. Elle me dit, tu penses-tu te marier, j'suis comme wow. Pas perdre 50 livres, ma grosse chienne Texas, slow. Elle voulait j'pète sa soeur pour un vin, j'suis comme go. Il faut que tu fires les macaques tout droit sorti du Congo. On se guette une groupie en gangbang à chaque show. Avec des reprises en close-up pis slow-mo. Si j'suis relax à poil sur le stage, j'suis trop chaud. Tu dis que tu veux me péter les dents, moi j'suis comme so. Park ton char sur notre bloc, on va le blow. Oublie ça, y'a personne qui te respecte, t'es solo. Ton groupe te rejette pendant ta carrière solo. So what, les complots, on squat ton condo. On est des no-life, represent les Mexicains en poncho. No boys, claque des l'info, de l'impro, de l'impro, j'ben trop, j'comme wow. Yes, pour mes boys du East Side, West Coast, 30 Sold Up North, troisième porte à gauche, cogné fort, la sonnette marche pas.